L'évangile de Matthieu est lu ici par Jean Bruneau. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, qui était descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. D'une génération à l'autre, les descendants d'Abraham furent Isaac, Jacob, Judas et ses frères, Pharès et Zara, dont la mère était Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Boz, dont la mère était Rahab, Obed, fils de Ruth, Isaïe, qui fut père du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon eut pour descendants Roboam, Abia, Asaph, Josaphat, Joram, Ozias, Joatam, Akaz, Ézéchias, Manassé, Amon, Josias, Jéconias et ses frères, à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, les descendants de Jéconias furent Salathiel, Zorobabel, Abioud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Elioud, Éléazar, Matan, Jacob, Joseph, l'époux de Marie, qui fut la mère de Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc successivement 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, puis 14 depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, que l'on appellera Emmanuel. » Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus.